Étude 4, du 20 au 26 octobre, la clé de l'unité. Le verset à mémoriser se trouve dans Éphésiens 1, versets 9 à 10. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le projet bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour le réaliser quand les temps seraient accomplis. Récapituler tout dans le Christ, ce qui est dans les cieux comme ce qui est sur la terre. Éphèse était un important centre de commerce et d'influence en Asie mineure. L'église à Éphèse était composée de juifs, de gentils et de gens de tout horizon. Ce mélange aussi cosmopolite aurait pu causer autant de conflits qu'il y en avait dans le monde dans lequel ils vivaient s'il n'y avait pas eu Christ ainsi que l'unité qu'ils avaient en lui en tant que membres du corps de Christ. Ainsi, la préoccupation de Paul pour l'unité parmi les disciples de Christ constitue le thème central de son épître aux Éphésiens. La notion paulinienne d'unité a deux dimensions. L'unité dans l'Église, où juifs et non-juifs sont réunis en un seul corps, Christ, et l'unité dans l'univers, où toutes choses dans le ciel et sur la terre trouvent leur unité ultime en Christ. La source de cette unité est Christ. Paul emploie l'expression « en Christ » ou « avec Christ » à de nombreuses reprises dans cet épître, afin de montrer ce que Dieu a accompli pour nous et pour l'univers à travers la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le but ultime de Dieu dans le plan du salut est de réunifier toutes choses par Christ. Cette unité ne sera pleinement manifestée qu'à la fin des temps.